Jésus m'a donné la vie et il m'a rendu ravi. Du péché il m'a sauvé, de la boue Jésus m'a tiré. faiblesse na mamalisme en Zambie. Kazare ma production. Joël Mbenga, yes, ndemo pesi na nyoso, eh?